branchés. Vous êtes branchés? Soyez au rendez-vous des branchés sur Radio Isanganiro de lundi à samedi de 13h30 à 14h. C'est une occasion de gagner des prix. Soyez au rendez-vous des branchés. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à tous les branchés. C'est votre rendez-vous tous les jours du lundi au samedi, 13h30, 14h. À la présentation, vous êtes avec Alida Ndaikeza, Méthode Ndeichemie et François Kimane assurent la mise en onde. Bienvenue encore. Chers amis branchés, nous avons un invité spécial, notre cher gagnant de la deuxième compétition qui a été sponsorisée par ICL, c'est Waimundo Cédric. Bonne arrivée. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Oui. Mm-hmm. En provenance de Gitega. Oui. Gitega, ça va? Ça va très bien. Et j'espère qu'ils sont contents d'avoir gagné un autre smartphone. Ah, tu oui, es le deuxième. Sûr. Oui, c'est le deuxième. Mm-hmm. Oui. Tu te sens comment? Bon, je suis vraiment très content. Parce qu'avant, je me disais, bah, c'est pas possible. Comment est-ce qu'un smartphone comme ça? Et puis, quand j'ai vu Clovis le gagner, je me suis dit, pourquoi pas moi? Vous êtes alors... amis avec Clovis? Oui, on se connaît. Oui. Une affaire d'amitié. Ok. Cédric vient de gagner la deuxième compétition qui a été sponsorisée par ITEL. Chers amis branchés, la seule adresse est d'appeler à nos 6 numéros en répondant à ces questions. La première, comment s'appelle le nouvel album de Céline Dion? Comment s'appelle le nouvel album de Céline Dion? La deuxième question, c'est avec Cédric. Oui, la deuxième question, c'est quelle opération vient de lancer Samsung et l'agence DDB Stockholm pour faire fonctionner les ordinateurs. Mm-hmm. Tu peux répéter pour nos oui, chers amis? Oui, quelle opération vient de lancer Samsung et l'agence DDB Stockholm pour faire fonctionner les ordinateurs? La troisième question est vraiment facile. Le groupe anglais Trump va changer de nom à cause de l'élection de Donald Trump. Que va être leur nouveau nom? Le groupe anglais Trump va changer de nom à cause de l'élection de Donald Trump. Que va être le nouveau nom de ce groupe? Appelez au 76 083 933, 61 083 933, 75 983 933, 77 357 792, 22 25 43 75, 22 24 66 02. C'est votre rendez-vous débranché. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Cédric, à toi l'honneur, tu peux l'accueillir. Ok, bon après-midi. Bon après-midi. Ça va? Ça va. C'est Clérise? Oui. Un point pour Cédric parce que je viens de te reconnaître directement. Ça va depuis septembre. On se connaît. C'est vrai. Oui, on se connaît. Hein. Ouais. Ah, formidable. Ça va là, depuis Changuzo. Ça va bien. Je pense qu'il pleut beaucoup. Là. Merci. Il a gagné un smartphone. C'est pas rien, c'est grand. Clérive. Oui. Il vient de gagner un smartphone qui a été donné par ITEL. Merci. La troisième fois, je pense que ce sera toi. Peut-être. Ok. Clérice, tu veux t'essayer à quelle question? Nouvel album. Nouvel album. Comment s'appelle le nouvel album de Céline Dion? Encore? Une danse. Encore une soirée, une danse. Et ça? Je viens de te donner la réponse. Hein? Je viens de te donner la réponse. Non. Tu avais mal répondu la première fois. C'est pas grave. Un premier point pour toi. Question en direct. Je te propose de la passer avec Cédric. Ok, Clérise. Ok. Quelle chanteuse, selon Forbes, est la seule à attirer l'essentiel de ses revenus de la vente de ses disques? Les choix, c'est Adele, Serena Gomez, Miley Cyrus ou Beyoncé. Serena Gomez. Ouais. C'est pas ça. Non, je pense qu'il faut encore chercher. Et tu vas trouver. À tout à l'heure. On remplace directement la question qui vient d'être trouvée par Clérise par une nouvelle. Quelle émission en Kirundi parle de la jeunesse sur la radio Isanganiro? Quelqu'un est déjà là. À toi l'honneur. Bon après-midi. Oui, ça va très bien. Ça va, Clovis? Oui, c'est Clovis. Agitega, ça va? Ça va très bien. Le climat, c'est toujours le meilleur du monde. Et... Vous en êtes sûr? C'est vrai. C'est vraiment bon. Où c'est à Bujumbura? Merci. Tu veux répondre à quelle question, Clovis? La deuxième, c'était avec Cédric. Clovis? Oui. Quelle opération vient de lancer Samsung et l'agence DDB Stockholm pour faire fonctionner les ordinateurs? L'autre question, c'est le groupe anglais Trump vient de changer le nom à cause de l'élection de Donald Trump. Quel va être leur nouveau nom? C'est pas ça. Une question en direct. Quelle chanson, selon Forbes, est la seule... Quelle chanteuse, selon Forbes, est la seule à tirer l'essentiel de ses revenus de la vente de ses disques? Il y a Adele, Serena Gomez ou Miley Cyrus. Adele, Serena Gomez ou Miley Cyrus. Miley, c'est pas elle, c'est plutôt Adele. Et surtout que Beyoncé et Rihanna se trouvent là derrière. Ok, à tout à l'heure. On accueille une autre personne. Allô? Je rappelle les questions qui sont sur plateau. La première, quelle opération vient de lancer Samsung et l'agence DDB Stockholm pour faire fonctionner les ordinateurs? Le groupe anglais Trump va changer de nom à cause de l'élection de Donald Trump. Que va être leur nouveau nom? Une nouvelle question. Quelle émission en Kirundi parle de la jeunesse sur la radio Isanganiro? On reste à l'écoute de cette émission. Vous pouvez nous joindre sous les 6 numéros pour gagner des points. Nous joindre sur le 22 24 66 02 ou 22 25 43 75. Quelqu'un est là. Allô? Allô? Oui. Clérise. Tu veux essayer quelle question? Le nouveau nom. Le nouveau nom. Comment le groupe anglais Trump va changer de nom à cause de l'élection de Donald Trump? Que va être leur nouveau nom? Pardon? Non, c'est pas ça. Question en direct. Devinette à choix multiple avec Cédric. Clérise. Oui. Tu vas donner la réponse à cette devinette. douceur d'une ouvrière obscure, et sans grade, friandise princière, régale d'eau plantigrade. Qui suis-je? Les choix. Les choix, c'est sucre, fraises et miel. Je propose miel. Oui, c'est ça. Un deuxième point pour toi. Un deuxième point pour toi. Tu rappelles plus tard pour gagner plus de points. Juste oui. Après, Clarisse, on accueille une autre personne. Allô? Oui, à la fête, Clovis. Oui. Oui, il y a Cédric qui vient de gagner le smartphone tel que tu l'avais gagné pour la première édition. Oui, Clovis, on ne t'entend pas très bien. Tu parles très loin. Oui, je félicite Cédric. Ah, il te félicite. Tu es content qu'un autre Guitégois te remplace? Oui. Et c'est quelle marque l'appareil? C'est un très très bon téléphone Itel. Mm-hmm. Bon, avec c'est Itel IT1556. C'est un très très joli smartphone, vraiment. Merci à Itel d'avoir. Oui, très très content. On remercie surtout le service commercial de la radio Isanganiro. Ah, c'est grâce à lui qu'on a eu ce prix pour toi. Ah, ok, merci à la radio Isanganiro. Ok. Tu veux répondre à quelle question? La question, le groupe Trump. Ok. Quel groupe anglais Trump qui va changer de nom à cause de l'élection de Donald Trump? Que va être le nouveau nom? Le nouveau nom, c'est Odzu. Odzu. Qui signifie? Qui signifie Zoot Bizarre. Bravo. Un point pour toi. Je te propose une question en direct avec Cédric. Ok. Ok, Clovis. Oui. Dans quel film sorti dimanche où il y a l'apparition de Gérard Depardieu? Les choix? Oui. C'est le divan de Lénine, le divan d'Hitler ou le divan de Staline? Le divan de Lénine, le divan d'Hitler, le divan de Staline. Le divan de Lénine. Non, c'est pas ça. Continue les recherches, tu vas rappeler. Okay. Juste après Clovis, on accueille une autre personne. Allô? Allô? Oui, Clarisse, ça va? Oui. Mm-hmm. Et tu étais la seule fille de la compétition. On va demander au service commercial s'il peut chercher un cadeau pour toi. Oui. Mm-hmm. On met 30% de la part du premier. Oui. Mm-hmm. Tu veux répondre à quelle question? Pardon? Clarisse, on ne t'entend pas très bien. L'émission. Quelle émission en Kirundi parle de la jeunesse sur la radio Isanganiro? C'est pas Yoga. Non, c'est pas ça. Cherche encore. Une question en direct. Question à choix multiple. Dans quel film est sorti dimanche, il y a l'apparition de Gérard Depardieu? Je te donne les choix. Il y a le divan de Lénine, le divan d'Hitler, le divan de Staline. Je propose divan d'Hitler. Divan d'Hitler? Oui. Non, c'est divan de Staline. Tu rappelles plus tard. Et pour donner plus de chance à nos amis branchés, on ajoute d'autres questions. Une autre nouvelle question. Quel hommage a été rendu aux sœurs Williams quand elles se sont rendues en Californie? Quel hommage a été rendu aux sœurs Williams quand elles se sont rendues en Californie? L'autre question. Quelle enseigne porte le premier hôtel de la ville de Funchal, une île portugaise? Quelle enseigne porte le premier hôtel de la ville de Funchal, une île portugaise? Vous pouvez appeler au 22 25 43 75 ou 22 24 66 02 ou 77 357 792. C'est votre rendez-vous débranché. Il y a quelqu'un qui est déjà là. Allô? Clovis de retour. Oui. Oui, Clovis, tu veux répondre à quelle question? Clovis, on ne t'entend pas très bien, tu parles très loin. La question concernant l'émission. Concernant l'émission, quelle émission en Kirundi parle de la jeunesse sur la radio Isanganiro? Pardon? Une autre question. Quel hommage a été rendu aux sœurs Williams quand elles se sont rendues en Californie? Il n'y a pas une autre question. Quelle enseigne porte le premier hôtel de la ville de Funchal, une île portugaise? Pardon? Quelle enseigne porte le premier hôtel de la ville de Funchal, une île portugaise? Tu aimes le foot? Oui. C'est dans son sens. Oui. Ok. Quelle enseigne porte le premier hôtel de la ville de Funchal, une île portugaise? Oh là là. Trop facile. Et je sais que tu le connais. Oui. Je sais que tu connais la réponse, mais tu ne sais pas que c'est ça. Une question en direct avec Cédric. Alors, Clovis, oui. Qui était le premier rédacteur en chef de la radio Isanganiro? Les choix, c'est Fiacre Mouné Zéro, Désiré Hatungimana et Joseph Saviabandi. Entre les trois, qui était le premier rédacteur en chef de la radio Isanganiro? Les choix? Fiacre Mouné Zéro, Désiré Hatungimana, Joseph Saviabandi. Je peux pas dire Fiacre Mouné Zéro. C'est sûr. Un deuxième point. J'ai déjà donné le point. Un deuxième point pour toi. Clovis, il est déjà parti. Cédric, tu peux accueillir l'autre personne qui est en train d'appeler? Oui. Bon après-midi. Il est déjà parti. Vous êtes dans votre émission Rendez-vous débranché. On me dit qu'il y a déjà quelqu'un là. Bon après-midi. Bon après-midi. Ça va? Ça va, j'ai bien compris. Ça va, c'est Steve ou c'est Oscar? Félicitations. Pardon? Félicitations. Merci, merci mec. On parle avec qui? Jean-Claude. Jean-Claude, tu vas bien? Ça va très bien. La troisième édition s'annonce prochainement. Faudra se préparer en conséquence. Ah, c'est ça. Tu veux t'essayer à quelle question? Pour Lille. Pour Lille? Oui. Ok. Quelle enseigne porte le premier hôtel de la ville de Funchal, une île portugaise? Hyper Ronaldo. Pardon? Hyper Ronaldo. L'enseigne. Non, c'est Jean-Claude. Oui. C'était la bonne réponse, mais l'enseigne c'est CR7. C'est l'identification de Cristiano Ronaldo. Oui, CR7. C'est un premier point pour toi. Ok. Une question en direct avec Cédric. Okay. Jean-Claude, oui. Comment s'appelle la petite fille de Rob Kardashian et Black China? Il y a Dream Blaka Kardashian, Dream René Kardashian. Ou... Il y a Jean-Claude qui est déjà parti et on accueille une autre personne. Ils sont déjà partis. Continuez d'appeler au 22 24 66 02 ou 22 25 43 75 77 357 792. Dans nos studios, nous sommes avec Raymondo Cédric, le gagnant de la deuxième édition de ITEL. Tu te sens comment vraiment? Bon. Tu as aimé le smartphone? Oui, j'ai trop aimé parce que même avant, j'utilisais un téléphone ITEL. Je trouve que c'est des très bons téléphones. Et avoir un nouveau, je crois que c'est la série sur le gâteau. Top. Donc Cédric vient de tout dire, on n'ajoute rien et il accueille notre personne qui est en train d'appeler. Allô? Oui, allô. C'est Clovis. Oui, c'est Clovis. Pour quelle question? La question concernant l'émission. Concernant? L'émission. Oui. Quelle émission qui rondit parle de la jeunesse sur la radio Isanganiro? C'est pas... Forum jeune. Non, c'est pas en ça. En Kirundi. Forum jeune, c'est en français. Une question en direct, devinette à choix multiples avec Cédric. Oui. Ok, personne ne me veut, quand on m'obtient, on ne veut pas me perdre. Qui suis-je? Les choix, c'est faim, guerre, misère. Pouvez-vous répéter? Faim, guerre ou misère? Je propose de guerre. Pardon? Je propose de guerre. Guerre? Oui. Ok, c'est la bonne réponse, Clovis. Un troisième point pour Clovis. Juste après Clovis, on accueille une autre personne. Allô? Allô? Oui. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. C'est qui? Monia. Monia. C'est la première fois que tu nous appelles Monia. Oui, oui. Mm-hmm. Bienvenue dans notre club débranché. Merci. Il y a Cédric, notre heureux gagnant de la deuxième édition et de la deuxième compétition qui a été sponsorisée par Itel. Tu peux... Bon après-midi, Monia. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Vous vous appelez depuis où? Tanyoshua. Ok. À quelle ville? Yes. Ok. Tu veux répondre à quelle question, Monia? La question concernant l'émission. Concernant l'émission. Ouais. Et quelle émission qui rendit parle de la jeunesse sur la radio Isanganiro? Bon, c'est pas... C'est le cas Burundi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, question en direct. Question en direct. Ouais. Qui a été le premier rédacteur en chef de la radio Isanganiro? Les choix? C'est Fia Kamune Zero, Désiré Atungimana et Joseph Saviabandi. Je propose Désiré Atungimana. Non, c'est pas lui. Tu peux leur donner la réponse? Oui, c'est Siakre Mune Zero. Okay. C'était facile, Monia. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu peux encore rappeler et tu pourras gagner d'autres points. Juste après, Monia, on accueille une autre personne. Allô? Oui, Clovis. Clovis. Il n'y a pas de questions. D'autres questions? Oui. Tu veux une autre question? Oui. Alors, Clovis, quel pays est appelé Empire du Dragon? Oui. Quel pays est appelé Empire du Dragon? Le pays? Oui. C'est pas Chine. Non, c'est pas Chine. Continue les recherches. Une question en direct avec Cédric. Ok, Clovis, comme tu aimes les stars? Oui. Tu vas me donner comment le nom de la petite fille de Rob Kardashian et Black China. Hein? Les choix c'est Dream Black Kardashian, Dream Rene Kardashian ou Robbie Rene Kardashian. Il y a Dream Black Kardashian, Dream Rene Kardashian et Robbie Rene Kardashian. Robbie Rene Kardashian. Non, c'est pas lui, Clovis. Tu continues les recherches et tu vas rappeler plus tard. Continuez d'appeler au 75-983-933-77-357-792. Un autre branché. Bon après-midi. Allô? Allô? Problème technique où il y a quelqu'un? Il est déjà parti. On rappelle les questions qui sont sur plateau. Quelle opération vient de lancer Samsung et l'agence DDB Stockholm pour faire fonctionner les ordinateurs? Quelle émission qui rondit parle de la jeunesse sur la radio Isanganiro? Quel hommage a été rendu aux sœurs Williams quand elles se sont rendues en Californie? Et quel pays est appelé Empire du Dragon? Appelez au 76-083-933-61-083-933. Il y a quelqu'un au bout du fil. Allô? Allô? Oui. Oui. C'est Cléric de retour. Oui. Pour quelle question? C'est là le pays. Oui. Quel est le pays qui est appelé Empire du Dragon? C'est pas la Chine. Non, c'est pas la Chine, c'est ce que venait de dire Clovis. En fait, l'Empire du Dragon, c'est la traduction. Non pas la symbolisation. Mmh. Si tu cherches dans ce sens, tu vas trouver. D'autres choses? Une question en direct peut-être. Concernant le pays, mm-hmm. C'est pas Bhoutan. Bravo, oui, voilà, c'est ça, c'est possible. Une question en direct avec Cédric. Oui. Ok, c'est une devinette. Elles font le tour des continents, on les gravit difficilement, mais se les tenir, c'est quand même beaucoup rire. Qui sont-elles? Il y a mer, côte ou fuseau. Fizo. Pardon? Fizo. Non, je vois que tu es un fan de Big Fizo, mais c'est pas ça. Tu continues les recherches. Concernant l'opération. Oui. L'opération. Quelle opération vient de lancer Samsung et l'agence DDB Stockholm pour faire fonctionner les ordinateurs? C'est un boutage. Non, c'est pas ça. À 4 minutes. Oui, tu vas rappeler plus tard. À 4 minutes de la fin de notre émission. On accueille une autre personne. Allô? Oui, allô, c'est Clovis. Oui, Clovis. Tu veux te dire quelle question? Quelle opération vient de lancer Samsung et l'agence DDB Stockholm pour faire fonctionner les ordinateurs? Non, c'est pas ça. L'autre question, c'est quelle émission qui Kirundi parle de la jeunesse sur la radio Isanganiro? C'est pas Lanzawira. Non, c'est pas ça. Une question. Une question en direct, ok. Question en direct. Que représentent les cinq bandes se trouvant sur le drapeau de la Cuba? Les cinq provinces entre lesquelles il est subdivisé, les cinq ethnies, les cinq régions qui caractérisent ce pays. Que représentent les cinq bandes se trouvant sur le drapeau de la Cuba? Les cinq provinces entre lesquelles l'île est subdivisée, les cinq ethnies, les cinq régions qui caractérisent ce pays. C'est pas les cinq régions. Cinq régions. Oui. C'est pas ça. C'est par la voix de Clovis qu'on termine d'accueillir nos chers amis branchés. Un mot pour la fin, Cédric. D'abord, je remercie tout d'abord la radio Isanganiro et puis tout ce bon monde qui se mobilise pour qu'il y ait une si belle émission comme Rendez-vous débranché. Et surtout les animateurs, vous, Médard, Marie-Terre. Merci pour eux. Merci pour toute l'équipe. Mais je crois que si j'étais au directeur de la radio, j'augmenterais votre salaire. Malheureusement, je ne suis pas. En tout cas, la direction a entendu. Ok. Et j'encourage aussi tout le monde qui aimerait participer. C'est très bien de participer aussi. Il y a de très très beaux prix. Je crois que vous serez satisfait de ce que vous allez avoir. C'est par ces paroles d'encouragement qu'on termine notre émission Rendez-vous débranché. À la présentation, vous étiez avec Alida Ndaikeza, Méthode Ndeshimie, François Kimana, assuré la mise en onde. On se retrouve demain à 13h30. Au revoir. L'actualité nationale et internationale et la connaissance générale. Rendez-vous débranché. Vous êtes branchés? Soyez au rendez-vous des branchés sur Radio Isanganiro de lundi à samedi de 13h30 à 14h. C'est une occasion de gagner des prix.